parle de business et de cam, d'argent haram, apostasie à chaque phrase. L'ignorance n'est pas une excuse, pour une insulte sort la lame. La plante pour quelques grammes d'alcool dans le sang, d'être l'avancée. C'est toujours la même chose, de toute façon ce présent faudra le payer le jour du jugement, où il ne sera plus question d'argent. Ici bas on passe notre temps à tirer sur une corde pas plus large que la ficelle d'un string. J'aime pas retourner ma veste, non, je l'ai juste amené au pressing. Y'a pas très longtemps j'avais plein d'alcool dans le sang, ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai de la mélancolie dans le sang. Dans le sud on aime le pastis et les trucs dansants, le genre de truc qui me donne envie de bouger au pôle nord. C'est hardcore, pas comme les musiques d'Alain Chamfort, décevant comme les textes de Paul Naref. Ça reste violent comme un colis pigé devant les grilles de la fref. La vie c'est hard comme un film de Marc Dorcel, tellement mal au dos que je dois porter un corset. Violent comme un attentat signé Armata Corsa ou Al-Qaïda, bref je crois que je vais tout défoncer. La vie c'est hard comme un film de Marc Dorcel, tellement mal au dos que je dois porter un corset. Violent comme un attentat signé Armata Corsa ou Al-Qaïda, bref je crois que je vais tout défoncer. J'ai pas bien compris le truc, on dirait que je suis en décalage. Pourtant bien intégré à première vue, je reste la rature au bas de la page. J'écris ma vie à chacun de mes actes, dans le poids les répercussions néfastes me font flipper pour le jour des corps. Voilà pourquoi le passé me hante, dire qu'avant j'étais comme les autres qui se niquent la vie 7 jours sur 7. Le cerveau rouillé par l'alcool, et sur la veste d'un trou de boulette. Et dire que les gamelles veulent en être, veulent marcher sur nos pas. Et avec les Air Max, les petits marchent vite, fait croire qu'on est conditionné comme ça. Que la vie est faite de cycles, produit d'un environnement nocif contaminé par l'illicite. L'argent facile, ouais, c'est ce qu'ils disent. Je l'ai trop cherché pour oser dire ce genre de choses. Partout ça se nique à forte dose, ce monde ressemble à une partouze. Si t'es pas dans le truc, t'es de la baisse. Sûrement pas assez balèze pour être dans le vice, dans le vice. Ouais, fils. La vie c'est hard comme un film de Marc Dorcel, tellement mal au dos que je dois porter un corset. Violent comme un attentat signé Armata Corsa ou Al-Qaïda, bref, je crois que je vais tout défoncer. La vie c'est hard comme un film de Marc Dorcel, tellement mal au dos que je dois porter un corset. Violent comme un attentat signé Armata Corsa ou Al-Qaïda, bref, je crois que je vais tout défoncer. La vie pour beaucoup se définit simplement comme une montée d'extas. Combien de gars j'ai vu se percher qui était censé devenir médecin ou avocat. La fièvre du samedi soir c'est toujours avec Travolta, mais dans le même état que dans Pulp Fiction. Coke, vodka, whisky, shaker, comme l'un people et bizarre est fashion. Fashion Zebby, ouais, avec celui de ton pote dans le bas du dos. Paraît que c'est tendance d'être homo, rappelez-vous Sodome et Gomorrhe. Que vous prenez pour une légende est bien plus réelle que vos livres d'histoire. C'est flippant de voir que tu cathodique éduque les gosses, et que le seul rempart contre cette infamie montre du doigt comme le mal du siècle. J'ai pas la même définition que nos élus du mot laïque, qui est censé autoriser tous les cultes mais qui en fait nous interdit certaines pratiques. Alors si un jour ça pète, je garde toujours à portée de main automatique. La vie c'est hard comme un film de Marc Dorcel, tellement mal au dos que je dois porter un corset. Violent comme un attentat signé Armata Corsa ou Al-Qaïda, bref je crois que je vais tout défoncer. La vie c'est hard comme un film de Marc Dorcel, tellement mal au dos que je dois porter un corset. Violent comme un attentat signé Armata Corsa ou Al-Qaïda, bref je crois que je vais tout défoncer. La vie c'est hard comme un film de Marc Dorcel, tellement mal au dos que je dois porter un corset. Violent comme un attentat signé Armata Corsa ou Al-Qaïda, bref je crois que je vais tout défoncer. La vie c'est hard comme un film de Marc Dorcel, tellement mal au dos que je dois porter un corset. Violent comme un attentat signé Armata Corsa ou Al-Qaïda, bref je crois que je vais tout défoncer.